Chapitre 7e. Deux jours plus tard, Boyne était en train de prendre, à côté de Judith, le café du matin sur un guéridon boiteux dans le jardinet moisi de la pension Grimani. Il s'était fait servir dehors pour échapper à l'atmosphère de la salle à manger, où s'attardait l'odeur du dîner de la veille, au chuchotement des groupes de vieilles demoiselles, au fou rire des petites pensionnaires en vacances et au tapage envahissant du coin de table où Scopy et la nounou réunissaient leur escouade. Il devait partir le soir même et tenait à se réserver une heure de tranquillité pour s'entretenir avec sa jeune amie. D'une minute à l'autre, toute la famille allait surgir. Le ménage Wetter, avec son yacht à l'ancre au large de San Giorgio et du Kériel d'auto disponible à Fusina. Bichi et Zinia se chamailleraient sur leur collier de verroterie, acheté la veille dans une boutique de la Merceria. Miss Cope aurait une liste de questions pour l'été, et tout ce monde-là se précipiterait sur Boyne pour lui demander conseil, sympathie ou consolation, ou du moins sa présence passive à leur querelle. Vraiment, le voisinage exigeant de la petite bande rendait l'intimité bien difficile. Pourtant Boyne se félicitait plus que jamais d'avoir résisté aux parents et fait porter ses bagages à la pension plutôt qu'au palace. L'existence des palaces lui était à elle seule un supplice. Non qu'il fût insensible à ce qu'il présentait d'avantages matériels. Un bain chaud et des carrelages blancs, une bonne lampe pour lire dans son lit, des domestiques bien stylés, tout cela lui était d'autant plus agréable qu'il était d'ordinaire contraint de s'en passer. Les palaces, c'était le paradis, mais le public qui les fréquente suffisait à l'en dégoûter. Il découvrit avec plaisir que la jeune fille pensait comme lui. Il avait commencé par trouver un peu vif que le plus jeune des Water fût seul admis par les parents à partager les délices de leur hôtel. Vraiment, ce n'était pas bien de semer le reste de la famille et de s'en débarrasser à l'auberge du coin. Il s'en ouvrit à Judith, et à la réponse de la jeune fille, constata que personne, dans la petite bande, n'en avait éprouvé de dépit. Blanca, peut-être, au début. Cette petite est toujours un peu jalouse de tous les embarras que papa et maman font pour Chip. Et puis elle a des goûts d'élégance. Elle adore regarder les belles dames au restaurant. Ça lui donne des idées de toilette. Elle raffole d'être vue avec Joyce, qui est tellement bien habillée, et d'entendre d'autres dames bien mises qui s'écrient « C'est à vous, cette jolie petite fille. » On l'aura deviné, rien qu'à la ressemblance. Mais c'est justement à cause de Blanca que Judith détestait les palaces. Vous comprenez ? Depuis qu'elle s'est fiancée à Biarritz avec le garçon de l'ascenseur. Fiancée ? Elle n'a pas 12 ans. L'âge n'y fait rien. Moi, à cet âge-là, j'étais fiancée avec le chasseur d'un skating. Mais ce n'était pas la même chose. C'était un petit Suisse très gentil. Je lui avais donné un ruban et lui, en échange, m'a fait cadeau d'un de ses boutons. Vous voyez, c'était innocent. Et puis, quand il est retourné chez lui pour les vacances, il m'a envoyé de l'Edelweiss et des Vergismeinnicht collés sur des cartes postales. Mais les enfants de maintenant, ce n'est plus du tout ça. Imaginez-vous que le fiancé de Blanca s'est mis en tête de se faire donner une bague en or avec un vrai brillant. Et il était hideux, une grande perche avec un nez gras tout plein de rides. Tout compte fait, j'aime mieux être ici. C'est moi qui écris à papa que je préférerais un endroit de ce genre, où les enfants peuvent courir et faire du bruit sans gêner personne. Vous ne trouvez pas que c'est gentil ici, Martine ? Elle s'était mise à l'appeler Martine, à la bonne franquette, dès le second jour de la traversée. Lui ressentait chaque fois un plaisir nouveau à entendre son nom prononcé par cette petite voix si claire. Il convint que la pension Grimani était charmante. Il était ravi de voir que tout le monde s'y plaisait. Son seul regret était de la quitter, il partait le lendemain. « Martine, reprit la jeune fille, si vous vouliez rester, il y a encore tant de choses à régler. Papa et maman ne savent où aller en partant d'ici, et c'est quand ils n'ont rien à faire qu'ils se mettent à se disputer. Ils n'ont trouvé personne à inviter pour leur croisière. Avant Cowes, personne n'est libre. Alors, si on renonce à la croisière, papa veut aller à Paris et maman veut faire une tournée dans les petites villes d'Italie. Qu'est-ce que c'est que ces petites villes ? Vous les connaissez, vous ? Alors, si les querelles de ménage recommencent, qu'est-ce que vont devenir les enfants ? Boyne se sentit tout ému par l'air de tristesse de la jeune fille. Il se retourna vers elle et posa sa main sur son bras. Il y avait un vieux banc vermoulu, sous un bosquet, minable et bruissant, de lauriers roses. Ils s'assirent côte à côte. Boyne alluma une cigarette. « Voyons, ma chère enfant, ne prenons rien au tragique. Je viens de passer 2 jours avec vos parents, tout va très bien. Je vous assure qu'il n'y a aucun danger. Le point noir, c'est qu'ils sont trop riches, ça les agite. C'est comme les dents. Chaque fois qu'on dit à votre père qu'il vient de faire 1 million, ça le travaille comme s'il venait de percer une œillère. Ça le tracasse, ça lui donne envie de mordre. Pour sa croisière, n'ayez pas peur. Il aura bientôt fait de trouver amateur. Des picassiettes, on n'en manque jamais. Une fois tranquille de ce côté-là, il sera plus à son aise pour organiser votre été. Vos parents doivent bien voir que l'air de Venise est débilitant pour Terry. Ils comprendront que ce qu'il lui faut, c'est d'abord un peu de montagne, et puis de se mettre au travail aussitôt que possible. Monsieur Ormerod accepte de se charger de son instruction. Il doit entrer en fonction dès demain. » La jeune fille était devenue rêveuse. « Sur qui vont-ils tomber encore ?» laissa-t-elle échapper avec un soupir. « À qui et à quoi pensez-vous ? » ?»« À leur croisière. Cela aussi, c'est un tracas pour moi. Quand maman est seule avec moi, sans papa, cela va à peu près. Il n'y a guère que les petits qui me donnent du mal. Mais dès que Joe et ses papas sont ensemble, ils ne font plus que des sottises. Simplement pour le plaisir de ne pas s'accorder. Ils s'acoquinent avec on ne sait qui. Des gens qui boivent et qui se chamaillent. Et alors ce sont des batailles qui recommencent, comme le jour où Buendelmonte a envoyé à papa la note de sa Rolls-Royce. Il a de l'aplomb. Oui, mais Joyce nous a défendu d'en parler. Elle a bien fait. N'empêche que c'est la vérité. Et alors ce sont des gros mots et des disputes de chiffonniers au sujet de leurs nouveaux amis. À cet instant, Boyne entendit crier le gravier. Une domestique apportait une carte de visite. Elle l'attendit à Boyne, qui lui parut être le représentant de l'ordre et de la règle dans la troupe d'anarchistes dont il faisait partie. C'était un imposant carré de Bristol très épais, qui portait gravé le nom de Marquise de Ranch et au-dessous, au crayon, d'une grosse écriture maladroite, « Pour voir ma fille Zinnie Wetter ». Boyne, après avoir étudié ce document sans rien comprendre, le passa à Judith, qui sursauta de surprise et s'écria « Ça ne peut être que Zinni à la crosse. Comment ? Déjà remariée ? » C'était donc vrai ce que Blanca avait lu dans le journal. Mais est-ce vraiment elle ? « Si, c'est moi !» cria du seuil une voix claire et gaie. Et dans le jardin de Guinguette, une apparition éclatante de jeunesse, de fard et de bijoux s'élança dans un nuage de parfums. « Bonjour, Judy, c'est toi, comment va ?» Boyne considérait la nouvelle venue. Elle était vraiment agréable à regarder avec l'ovale parfait de son visage et de minces lèvres d'un si joli dessin. Avec cela, un air de corruption innocente qui donna à Boyne un léger haut-le-cœur quand il vit l'étrangère se jeter au cou de la jeune fille. « Cette vieille Judy, pourtant, on est contente de se revoir. Qui est ce monsieur ? » ajouta-t-elle en dardant vers Boyne un regard oblique. « Monsieur Boyne, un ami de papa. Martine, je vous présente à Zinnia Lacrosse. » « Mais non, ma chère, tu n'y es plus. La marquise d'Orange, s'il te plaît. Pour toi, bien entendu, je suis toujours Zinnia, n'est-ce pas, Judy ? » ?»« C'est pour Zinnie que je suis venue. Rennie m'attend dans la gondole. Rennie, c'est mon mari. Je lui ai promis de lui amener la petite. » Boyne observait avec curiosité Judith. Il lui sembla qu'elle avait soudain grandi. Elle avait pris cet air d'autorité qu'elle avait les jours où l'avait à réprimer une sédition domestique. « Ce n'est pas sérieux, Zinnie, » commença-t-elle. « Tu sais très bien. Qu'est-ce que je sais ?»« Les conditions du divorce. Et tu sais aussi que là-dessus, Scopini, moi, ne voulons entendre à aucun manquement. »« Et qui parle d'y manquer ? À quoi bon ? Ce n'est pas que je tienne à l'argent de ce provoque-life. Il n'y a pas de quoi me payer mes bas de soie. Si j'avais envie d'emmener Zinnie, ce n'est pas la question d'argent qui m'arrêterait une seconde. Mais il ne s'agit que de la montrer à Rennie. « Tu me connais, Judith. J'ai toujours été franche avec toi, n'est-ce pas ? Laisse-moi la voir, tu veux bien ? J'ai un petit cadeau pour elle. Et quelque chose aussi pour toi, une merveille, tu vas voir. Tu comprends, le cœur d'une mère. » La jeune fille ne perdit pas sa froideur d'aiguille de diamant. Ses lèvres pincées et sans couleur s'ouvrirent à peine pour répondre à l'étoile dont elle parut ne pas même remarquer la dernière avance. « Tu verras Zini tant que tu voudras. Seulement, ce sera ici, devant moi. Et M. Boyne, ton mari n'a qu'à venir si cela lui fait plaisir. »« Tu pourras l'appeler Lord Orange ?» La jeune fille éclata de rire. « C'est cela. Et moi, appelle-moi Miss Walter. Seulement, si tu veux voir ta fille, dépêche-toi. » Parce que dans 2 minutes, papa sera ici pour emmener tout le monde sur son yacht. Il n'a tout de même pas le droit de m'empêcher de voir ma fille. Il n'y songe guère, mais fais ce que je te dis. La marquise pesa un moment les termes de cet ultimatum en contemplant ses ongles polis comme des amandes. Puis, elle articula lentement. « Je vais tâcher. Mais je ne sais pas si j'arriverai à sortir Orange de la gondole. Il est d'une mollesse. Et nous voulions faire un tour avec la petite. » Finalement, elle prit le parti de battre en retraite du côté de la porte. Judith se mit en devoir d'aller chercher Zini, mais à peine avait-elle fait quelques pas. Une petite poupée poudrée et parfaitement frisée jaillit d'une allée et se jeta dans ses bras. « Judy, c'était Zinia, n'est-ce pas ? Je l'ai bien vue de la fenêtre. Nounou disait que non, mais je sais bien qui c'était. Tu ne l'as pas laissé partir sans voir sa petite Zini ? Je ne te le pardonnerai jamais. » « Est-ce qu'elle m'a porté un cadeau ?» Blanca grit envie de descendre et de voir sa toilette, mais Scopi l'empêche. Elle a mis le verrou. Judith eut un haussement d'épaule. « Ce n'était vraiment pas la peine. Blanca peut très bien voir ta maman. »« Allons, Zini, calme-toi. »« Ta mère va revenir dans un instant. Elle est allée chercher son mari pour te le présenter. »« Un nouveau mari ? Comment s'appelle-t-il ? » ?»« On ne m'avait pas dit qu'elle s'était remariée. »« On me croit trop petite pour comprendre. » Judy, est-ce que tu crois qu'elle a un petit cadeau pour moi ? Si ce n'est que des chocolats, je partagerai, naturellement. Mais si c'est des bijoux, faut-il ? Les petites boucles rousses dansaient comme des flammes et le visage s'empourprait de désir. D'un geste sec de ses menottes, l'enfant arracha de son cou le collier de perles de la mercerie et le cacha précipitamment dans une poche. Ce n'est pas la peine de lui montrer qu'on m'a déjà fait des cadeaux. C'est égal, n'est-ce pas, Martine ? Fit-elle par-dessus son épaule à Boyne, qui venait de lui donner le collier le matin même. Boyne assura que cela lui était parfaitement égal. Mais Judith, avant qu'il eût le temps d'intervenir, empoigna la coupable et la secoua d'importance. « sanglota Zini en faisant le gros dos dans un orage de larmes. « Viens, Rennie, tu es témoin. Je te donnerai quelque chose pour avoir ici mon avocat. Voilà comment ces gens-là traitent mon enfant. » C'était Lady Range, qui venait de s'encadrer dans la porte du jardin et tendait un bras accusateur dans la direction de son sang. À sa suite apparut une tête blondasse, au regard pâle, au bout d'un long corps d'adolescent malade, Lord Range.